La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous retrouver pour une nouvelle traversée de la vie et de l'œuvre d'un grand écrivain ou d'une grande écrivaine, comme c'est le cas cette semaine avec Marguerite Duras, dans une émission proposée par Laurence Millet, Laurence Genepin, Anne-Vanessa Prévost, Laurane Travaglichanal, Didier Pinault et Pierrick Monsigny. Il y a une voix, il y a un style, Marguerite Duras, qui n'appartient qu'à elle, mais qui, parce qu'il est si fort et si distinctif, a été copié 100 fois et jusqu'à la caricature. On a d'ailleurs beaucoup singé Duras, tant son écriture que son personnage. Son personnage qui, dans son intransigeance, a attiré les narquois. Elle a représenté une manière d'être un grand écrivain à la française dans la seconde partie du XXe siècle. Et elle est pour cela une part de notre inconscient, presque un monument national, comme nous allons le voir d'ici jeudi. Jeudi justement, il sera question de son cinéma ou de son anti-cinéma qui a beaucoup fait aussi pour associer des images à son œuvre, un tempo tranquille, une manière d'utiliser la voix off. Nous verrons tout cela avec l'universitaire Jean Cléder, puis avec la journaliste Laure Bergala. Mercredi, l'écrivain Dominique Noguez commencera par nous parler de la Duras qu'il a connue. Et puis ensuite, nous évoquerons également avec lui, tout comme d'ailleurs avec la professeure Mireille Kai-Gruber, la question de la vision et de l'œil de Duras. Enfin demain, c'est avec Gilles Philippe qui a présenté ses œuvres complètes dans la collection de la Pléiade que nous ferons un parcours de l'œuvre. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour évoquer la biographie de Marguerite Duras et en particulier les années qui vont de sa naissance jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous sommes avec Sophie Bogart, éditrice, essayiste, critique littéraire, mais également ce qu'on pourrait appeler archiviste de l'œuvre de Marguerite Duras. Elle a notamment édité en 2006 avec Olivier Corpé les Cahiers de la guerre de Marguerite Duras aux éditions POL. Et puis 10 ans plus tard, en 2016, elle a rassemblé plusieurs entretiens avec l'écrivaine dans l'ouvrage Duras, le dernier des métiers, qui est paru au Seuil et où le dernier des métiers est pour elle celui de l'écriture. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Vous savez, la connaissance, c'est une chose difficile, une chose qu'il faudrait revoir, hein, la connaissance de quelqu'un. C'est pas en me demandant qui êtes-vous que je répondrai, ou ce qui me fait écrire que je vous répondrai, hein, vous savez ça. Qu'est-ce que ça veut dire, qui je suis, qui êtes-vous, vous, hein, qui êtes-vous, allez-y, répondez-moi, hein. Oui, mais qui êtes-vous, vous, qui m'interrogez? De cette nuit de non-nuit, de ce désir-là, de ce désir-amour. Marguerite Duras, qui se veut insaisissable, dans une émission de 1976, extrait du coffret INA Radio France, consacré à l'écrivaine. Bonjour Sophie Bogart. Bonjour. Ça lui ressemble, ce genre de déclaration, ce qu'on vient d'entendre? Ça lui ressemble, oui, ça lui ressemble beaucoup. Ça lui ressemble sans doute à une certaine époque de sa vie aussi. C'est une certaine Duras qu'on entend là quand même. Laquelle? Mais bah, c'est la Duras assez offensive vis-à-vis des médias, un peu revendicative, presque un petit peu agressive. Bon, il faut préciser quand même qu'au début de cet extrait que vous n'avez pas diffusé, ce fameux début, on l'entend dire qu'on entend les glaçons qui fondent dans le whisky. Hein. Donc, elle n'était pas forcément à jeun à ce moment-là. Mm-hmm. Donc, c'est aussi une certaine Duras, voilà. Mais c'est aussi, de toute façon, enfin, au-delà de la forme, qui est donc encore une fois un petit peu agressive, voilà. Sur le fond, cette question de l'identité, de l'incapacité à répondre à la question qui est de vous, évidemment, ça, c'est Duras, c'est la Duras, voilà, de tout temps, on va dire. Alors, dans les cahiers de la guerre que vous avez donc édité, qui rassemble des archives qui excèdent largement hein, la période de la guerre, puisqu'elle y parle aussi de son enfance, de la mort de son premier enfant, de la naissance de son fils Jean, dans ses carnets, elle a cette phrase étrange, elle dit « Je vois la guerre sous les mêmes couleurs que l'enfance ». Qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire que Duras, effectivement, a une approche de la guerre très singulière, assez intéressante. Pour elle, c'est plus qu'une période donnée, plus qu'une chronologie, plus que des événements guerriers, auxquels, de toute façon, en tant que femme, elle ne participait pas au premier chef. Plus que ça, pour elle, c'est un état. La guerre. Et c'est un état, en définitive, qu'elle a l'impression, évidemment c'est une impression, mais qu'elle a l'impression d'avoir déjà vécu. Quand elle la vit, quand elle traverse ces événements de la guerre, et de plein fouet, bien qu'à l'arrière, eh bien, elle a l'impression que ça la replonge dans un état qu'elle connaît, c'est-à-dire celui de l'enfance, autrement dit un état de soumission, de passivité imposée, et aussi, du coup, par conséquent, d'ouverture et de disponibilité absolue à ce qui vient. Et du coup, c'est un état propice à l'écriture. Donc la guerre, ça a été toute la vie de Marguerite Duras ? Sans doute pas, mais ça a été incontestablement, et elle le dit à plusieurs reprises, l'acmé de sa vie. Ouais. Et à l'inverse, la vie de Marguerite Duras a été une guerre perpétuelle. Oui, contre elle-même peut-être, mais... Ouais. Dans Les brouillons de l'amant, elle dit aussi « la guerre fait partie des souvenirs d'enfance ». Oui, c'est ça. Pour elle, l'enfance, elle la vit comme un état très violent, comme une période vraiment brutale. Enfin. Elle ne croyait pas à l'enfance. En tout cas, pas à l'imagerie de l'enfance, pas à l'innocence supposée, pas à la mythification de l'enfance. Par exemple, quand elle regarde des photographies d'enfants, que ce soit ses photographies à elle, comme les photographies, par exemple, elle prend l'exemple d'Hitler, et elle dit, il était très mignon aussi, Hitler, tout petit. Et quand elle regarde ses propres photographies, ça la dégoûte de se voir comme ça, enfant. Oui, parce que à la fois ça la dégoûte et puis ça la fascine, parce que une chose très importante dans la vision qu'a du reste du monde, c'est la question de la sauvagerie. Pour elle, la sauvagerie est une part intrinsèque de l'humanité, et l'enfant, il a cette sauvagerie à l'état brut. Il n'est pas encore domestiqué, il n'est pas encore civilisé, et c'est presque quelque chose à chérir en définitive, ça, parce que ça révèle quelque chose d'intouché, d'essentiel à l'humanité. Et c'est ce qu'elle a fait, chérir sa sauvagerie. Oui, certainement, oui. Alors, elle dit qu'elle ne se retrouve en aucune façon dans son enfance, que c'est la période de sa vie qui est la plus aride, mais tout de même, cette enfance va la tracasser. On peut même dire que toute sa vie, elle replongera en permanence, elle revisitera en permanence son enfance, Sophie Bogart. Oui, oui, tout à fait, c'est vrai que c'est assez fascinant. Alors, on peut voir ça en superficie comme une répétition, comme quelque chose un ressassement, quelque chose d'obsessionnel et de stagnant, alors qu'en réalité, je pense qu'il y a effectivement quelque chose de totalement inépuisable pour elle dans l'enfance. Voilà, elle en aura jamais fini, ni avec la guerre, ni avec l'enfance, et donc c'est pour ça que un certain nombre d'épisodes qu'elle a vécu en Indochine, elle les revisite, elle les réécrit de manière incessante dans beaucoup d'œuvres. Mmh. Et c'est peut-être pour ça qu'elle gardera toujours la même notice biographique. Je vous la lis. Marguerite Duras est née en Indochine, où son père était professeur de mathématiques et sa mère institutrice. À part un bref séjour en France pendant son enfance, elle ne quitta Saïgon qu'à l'âge de 18 ans. Donc c'est ce qu'on pouvait lire quand elle publiait encore dans les années 80, voire 90, des livres. Oui, d'ailleurs, sur le plan strictement biographique, c'est pas tout à fait exact, puisqu'elle est rentrée en France un peu plus tôt que ça, et qu'elle y est revenue plus d'une fois pendant son enfance. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est absolument, ça la définit. Et elle dit souvent qu'elle était créole, elle aimait à dire cela, et ça disait beaucoup de choses, notamment de son sentiment de jamais être à sa place, certainement, ou d'être étrangère à la société dans laquelle elle vivait, et aussi ça dit beaucoup de choses, bien sûr, de son rapport à la langue. J'ai été élevée par une femme, avec deux frères. Et dans des conditions évidemment difficiles, puisque ma mère étant institutrice d'école indigène, nous n'avions pas du tout d'argent. C'était ce qu'il y avait de plus bas dans le fonctionnariat colonialiste. Il disait colonial à ce moment-là. Oui. Et ma mère avait l'esprit très aventureux, elle a acheté des concessions. Des concessions qui étaient de très mauvaises concessions. Ce qui fait que mes premiers souvenirs sont liés à cette injustice effroyable qui avait été faite à ma mère lorsqu'elle avait acheté cette concession. Elle l'avait achetée avec 20 ans d'économie. C'était une femme du Nord, fille de fermier. Qui était venue en Abéchine, dans quel but? Pour être institutrice. Elle avait fichu toutes ses économies de 20 ans dans cet achat, et cet achat s'est avéré nul. C'était des lotissements, vous savez, des tas de terres qui étaient vers le Siam, enfin, c'est au nord-ouest de la plaine des gens. Ah bon? C'est déjà dans le Haut-Cambodge. Alors, après cette ruine, j'avais 12 ans quand c'est arrivé. Notre famille a connu la misère noire et blanche. Oui, parce que vous aviez... un blanc pauvre, c'était effroyable. Parce que vous aviez connu aussi la misère, évidemment, indigène. Mais c'est-à-dire qu'à côté de celle-là, la nôtre n'était rien. Entretien avec José Pivin du 19 mars 1967. Que retenez-vous de cette archive? Je retiens une forme de polémique assez relativement récente finalement, mais sur l'exactitude de la biographie, de ce que Duras raconte de sa propre biographie. C'est le mentir vrai, non, Duras? Oui, on peut le résumer comme ça, bien sûr. Enfin, c'est de la littérature, tout simplement. Mais c'est vrai que depuis qu'un biographe, Jean Vallier, s'est intéressé de très près à ce qui était exact et ce qui ne l'était pas, il a montré en effet que ce qu'elle dit, par exemple, de cette misère noire est sans doute un petit peu excessif. En tout cas, sur les photos, on les voit toujours assez bien habillées, le frère surtout, voilà, avec son costume, et puis même elle, visiblement, pas dans la misère totalement. C'est ça, c'est sans doute un petit peu exagéré. Cela étant, moi, ce que je crois, c'est que, d'une part, en effet, la plupart du temps, les moments où Duras en écrit sur cette période, il s'agit de romans, et que, par conséquent, elle fait bien ce qu'elle veut. Et d'autre part, je crois profondément, ça reste mon point de vue, mais à la dimension traumatique de cette période et surtout de ce personnage de la mère qui devait être quelqu'un de très perturbé, en effet, de très seul aussi, et qui a vécu tout ça, traversé cette histoire de barrage de manière extrêmement violente et qui a répercuté cette violence sur ses enfants. Et donc, on n'a pas le droit, il me semble, de contester la vérité du traumatisme. Elle l'a vécu de manière extrêmement violente et du coup définitoire de ce qu'elle était, et donc pourquoi pas. Alors dans L'Amant, hein, bien des années plus tard, elle écrira « Je suis encore dans cette famille, c'est là que j'habite à l'exclusion de tout autre lieu ». Oui, je pense que là encore, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais dépassé. C'est cette histoire aussi de porte qui ne s'ouvrira jamais. Enfin voilà, qui lui interdisait sans doute de créer d'autres relations durables avec autrui, non pas des relations fortes, elle en a eu beaucoup, que ce soit d'ordre amoureux ou autre, mais en tout cas, de manière durable, il n'y avait que sa propre famille. Ouais. Donc sa mère, en laquelle elle croyait tout de même comme en Dieu, a-t-elle expliqué, se décrivait, on va continuer dans le vocabulaire religieux, comme une martyre. Oui, et ça a profondément, ce sentiment d'injustice a profondément marqué Duras. Il est certainement à l'origine, en partie, de son engagement auprès du Parti communiste. Voilà, cette injustice-là, elle l'a jamais dépassée. Donc il y a une vision sociale qui vient de l'histoire de sa mère, qui est en effet une histoire d'injustice. Oui, on l'entend dans l'extrait que vous avez diffusé. Elle traduit ça en termes de lutte des classes. Enfin voilà, elle était au plus bas de l'échelle sociale, des Blancs, bien sûr, des Blancs, mais tout de même. Alors elle rêvait, cette mère, c'est quelqu'un qui rêve beaucoup, elle rêve notamment à propos de l'argent dont elle avait tant besoin, et donc elle fait, comme on le sait, c'est une histoire qui est maintenant une légende, ce projet pharaonique qui est de construire un barrage pour protéger sa plantation de la mer, parce qu'on lui a vendu, enfin donné en concession, une plantation qui est inondé. Et évidemment, on comprend mieux à quoi ressemble le caractère de cette mer quand on sait que, par exemple, elle n'a demandé à personne, à aucun technicien, de venir valider les plans, par exemple, de ces barrages. Il y a donc une sorte de folie qui est l'atmosphère dans laquelle baigne Marguerite Duras. Oui, quelque chose qui est détaché du réel. Certainement, et d'autarcie aussi. C'est vrai qu'on a l'impression que cette famille a évolué. En plus, le père donc est très tôt disparu. Duras dit souvent qu'elle avait 4 ans. En réalité, je crois qu'elle en avait 7. Mais en tout cas, elle était petite. Et, du coup, sa mère était très seule avec ses 3 enfants, comme ça, au bout du monde. Elle venait en effet du Nord, etc. Donc, elle avait sans doute pas les talents d'architecte ou d'ingénieur suffisants pour construire toute seule ces fameux barrages. Mais oui, c'était sans doute une atmosphère assez folle. Ouais. En tout cas, elle a, cette mère, une inaptitude totale au désespoir et elle pensera toujours qu'elle va pouvoir marier sa fille. Alors, ça, c'est le grand projet, trouver un mari pour sa fille. Je ne sais pas si elle cherche à la marier. En tout cas, elle ne cherche pas à la marier avec le Chinois, le fameux Chinois qui va devenir donc le personnage de l'amant, le premier amant de Marguerite quand elle a donc une quinzaine d'années. Ce Chinois-là, ce serait un déshonneur absolu que sa fille l'épouse pour la mère de Duras, puisque par définition, il est chinois. Et donc, il y avait un racisme très, très, très, très net. Donc, en revanche, ce qui intéressait beaucoup la mère, apparemment, c'était l'argent de ce Chinois, quand même. Mmh, on va y revenir. Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Marguerite Duras et notamment de cette enfance primordiale évidemment pour la suite et la suite de l'œuvre en particulier. Et puis la figure de sa mère qui a aussi été une figure de violence. À la fois la mère et le frère. Alors là encore, il y a sans doute des exagérations ou peut-être des exagérations, mais c'est une atmosphère de violence physique aussi dans ce foyer-là, Sylvie Bogart. Alors, Jean Vallier l'a encore dit que, d'après les témoignages des proches, de la famille, des cousins restés en France, etc., c'était pas tout à fait vrai. Moi, je crois profondément que... Enfin, en tout cas, là encore, plaçons-nous du point de vue subjectif de Duras. Et donc, elle a vécu cette relation avec sa mère comme une relation, un désir de fusion qui est jamais comblé. C'est-à-dire qu'elle a toujours dit qu'elle était la mal-aimée. Par rapport au grand frère. Donc il y avait aussi un petit frère, hein, enfin, qui était quand même plus âgé que Duras. Qui lui aussi était assez mal aimé, visiblement. Qui était sans doute assez mal aimé, mais voilà, évidemment, Duras ne ressentait pas ça avec la même violence, mais en tout cas, ça créait un lien de solidarité et d'union entre les deux petits, certainement. Non pas contre, mais enfin en face du couple frère aîné et mère. Et elle racontait que sa mère l'appelait ma petite misère, par exemple. Ce qui est à la fois très tendre et un peu douloureux. Douloureux, en tout cas. Et donc, ce désir éperdu d'être aimé par sa mère, c'est quelque chose qu'elle a, là encore, qui n'a jamais été rassasié, jamais comblé, et après lequel elle a couru sans doute toute sa vie. La façon dont elle raconte aussi la fin, la mort de sa mère, donc en France, donc bien des années plus tard, évidemment, en 56, c'est terrible. Elle dit que Bon, déjà, elle est arrivée trop tard, en fait. Sa mère était déjà morte, mais en tout cas, sur la fin, elle n'avait Dieu que pour son frère, que pour le frère aîné, qui était visiblement qui vivait avec elle, alors, à ce moment-là. Oui, c'est ça, à ses crochets, en tout cas, et à moitié avec elle, parce qu'en effet, ça avait l'air vraiment d'être un voyou, un marlot qui vivait du jeu, etc. Peut-être de proxénétisme, on sait pas bien, mais enfin, en tout cas, c'était quelqu'un qui était un peu dangereux. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Marguerite Donadieu, puisque tel est son nom de naissance, a pris ce pseudonyme de Marguerite Duras, pour pas qu'on la confonde avec ce frère voyou. Peut-être, je sais pas, c'est votre interprétation, c'est possible. Il y a en tout cas de la part de Duras une projection sur son père, certainement, et donc dont elle a pas de souvenir, hein, bien qu'elle n'ait pas été si jeune, encore une fois, quand il est mort, mais elle a pas vraiment de souvenir conscient de lui, et donc il y a sans doute une forme d'idéalisation de ce père, et puis de cette terre natale de Duras, donc dans le sud-ouest d'où son père était originaire, et où elle est allée quand elle était enfant, c'était son lieu de vacances quand elle vivait en Indochine. Mmh. Et donc, on sait aussi qu'elle a essayé de racheter la maison de son père près de Duras. Hein. C'est pas Duras même, mais c'est à quelques kilomètres de Duras, qui était à peu près une ruine, et puis qu'elle a renoncé au projet, qui était un peu fou. Mais... Mmh. Alors, cette terre d'Indochine, est-ce qu'elle va y retourner ? Quel restera le lien, à part le lien mental très fort qu'on retrouve dans ses livres, avec l'Indochine ? Elle n'y est jamais retournée, ça c'est une certitude. C'est vrai que c'est un peu étrange, mais je pense qu'elle elle savait aussi, elle dit, hein, je sais plus dans quel entretien, que elle sait que la rue Katina existe toujours, mais n'est plus ce qu'elle était. Enfin, évidemment, l'Indochine n'était plus l'Indochine de toute façon, et avait énormément changé. Donc, je crois qu'elle avait pas envie de cette violence de la confrontation avec le réel, et que elle vivait avec sa petite Indochine portative de toute façon. Elle la recrée à chaque instant. Elle cesse pas d'en parler, donc je suis pas sûre qu'elle ait besoin d'y revenir. Elle en parle notamment dans son grand livre « Un barrage contre le Pacifique ». Quand ce n'était pas aux plantes, c'était aux enfants que la mère s'intéressait. Il y avait beaucoup d'enfants dans la plaine. C'était une sorte de calamité. Il y en avait partout. Perchés sur les arbres, sur les barrières, sur les buffles, qui rêvaient, ou accroupis au bord des marigots, qui pêchaient, ou vautrés dans la vase à la recherche de crabes nains des rizières. Dans la rivière aussi, on en trouvait qui pataugeaient, jouaient ou nageaient. Et à la pointe des jonques qui descendaient vers la grande mer, vers les îles vertes du Pacifique. Il y en avait aussi qui souriaient, ravis, enfermés jusqu'au cou dans de grands paniers d'osier, qui souriait mieux que personne n'a jamais souri au monde. Et toujours, avant d'atteindre les villages du flanc de la montagne, avant même d'avoir aperçu les premiers manguiers, on rencontrait les premiers enfants des villages de forêt, tout enduits de safran contre les moustiques et suivis de leurs bandes de chiens errants. Car partout où ils allaient, les enfants traînaient derrière eux leurs compagnons, les chiens errants, efflanqués, galeux, voleurs de basse-cour, que les Malais chassaient à coups de pierre et qu'ils ne consentaient à manger qu'en période de grande famine, tant ils étaient maigres et coriaces. Un extrait lu par Dominique Blanc d'Un barrage contre le Pacifique dans La Compagnie des auteurs, où nous parlons avec vous, Sophie Bogart, de Marguerite Duras. Cet extrait, quand vous l'écoutez, à quoi vous fait-il penser? Dans quel univers vous emmène-t-il? Ça fait penser que on retrouve là encore. Enfin, je vois une constance plus qu'une répétition, mais dans cette permanence d'un certain type de paysage et d'un certain type d'atmosphère dans laquelle baignent les personnages de Duras, c'est-à-dire que cette moiteur, cette chaleur, cette espèce de langueur aussi, on la retrouve dans des livres de périodes extrêmement différentes et qui d'ailleurs se passent sont censés se passer dans des lieux très différents les uns des autres. India Song qui est censé se passer en Inde, évidemment, au premier chef, et régie complètement étouffée, voilà, gouvernée par cette atmosphère moite. Mais on peut le retrouver aussi dans 10h30 du soir en été, qui est très antérieur et qui se passe censément en Andalousie, donc rien à voir. Mais voilà, les personnages sont souvent écrasés comme ça. Par les éléments. Donc quand elle parle de l'Inde, elle parle d'un pays qu'elle ne connaît pas. Alors elle n'est jamais allée en Inde. Elle dit que elle ironise souvent sur le fait qu'on lui dit qu'on lui a dit au moment de la sortie du film India Song qu'elle avait restitué cette atmosphère de manière tellement juste et on lui demande dans, à Paris, dans quelle partie à Paris. De l'Inde elle l'avait tournée, voilà, c'est ça, et donc c'est en banlieue parisienne, voilà, et donc y compris la moiteur de la banlieue parisienne, c'est ça, tout à fait. Je crois qu'ils avaient très très froid d'ailleurs pendant le tournage et que c'était pas très moite pour le coup, mais en tout cas, elle dit, je ne sais plus quelle est la formule exacte, mais que les lieux sont partout, enfin qu'il suffit de les chercher pour les voir, et donc l'Indochine est évidemment partout. Voilà, la géographie est tout à fait personnelle et intime. Alors pour revenir justement à ces années d'enfance, Sophie Bogart, c'est vrai qu'après la destruction des barrages, on a le sentiment que la mère de Marguerite Duras mise beaucoup sur sa fille, et notamment il faut lui faire faire des études. Alors ça, c'est évidemment compliqué, puisqu'elle-même n'est pas une très bonne élève. Ça n'est pas quelqu'un qui... Alors à part les mathématiques, paraît-il, et puis un peu Shakespeare, et puis un petit peu Molière... Ça commence quelqu'un... à faire déjà pas mal. Oh, Shakespeare, fait... Molière plus les mathématiques, pour une élève de lycée, ça, c'est déjà... Elle racontait que ses notes étaient catastrophiques, mais c'est peut-être encore... Non, c'était une bonne élève. Ah, c'était une bonne élève. C'était certainement une élève insolente, un peu bravache, voilà, ça c'est sûr. Elle dit qu'elle avait des relations assez conflictuelles avec ses professeurs, et on veut bien la croire, mais non, c'était certainement une bonne élève. Simplement, voilà, sa mère voulait la mettre sur la voie des mathématiques. Pour faire comme son père. Bon, voilà, Duras s'est aperçu assez rapidement que c'était pas son territoire de prédilection, mais elle a commencé par faire du droit aussi. Donc c'était effectivement ce que faisait une jeune fille de bonne famille qui savait pas trop quoi faire de sa vie, voilà, histoire de faire un peu d'études. Quoi. Et puis c'est le moment de l'intrusion donc de Léo dans la famille. Léo qui est donc ce jeune homme dont elle a cru être amoureuse, mais peut-être aimait-elle d'abord sa voiture, une Maurice Léon Bollé. Quelle est l'importance de cette histoire qu'elle a racontée plusieurs fois, et notamment dans L'Amant ? Mais cette histoire, elle l'a racontée pendant, je ne sais pas, une cinquantaine d'années, c'est-à-dire presque toute sa carrière d'écrivain, sa vie d'écrivain... c'est fait à l'aune de cette expérience initiatrice qui a été, enfin, il y a mille choses à en dire, hein, mais peut-être dire déjà que si elle est si importante pour elle en tant qu'écrivain, c'est que justement c'est la première séparation avec sa mère, avec laquelle elle avait donc une relation fusionnelle d'amour-haine comme ça, ou d'amour inassouvi depuis toute petite, depuis toujours. Et là, tout d'un coup, il y a quand même un autre, il y a une échappée, une porte de sortie. Alors que ce soit dans l'amour partagé, ou bien dans un rapport de séduction, ou bien on sait pas bien. En tout cas, c'est une espèce d'ouverture, de prise de conscience que l'indépendance, une certaine indépendance est possible. Mmh. Et donc, je pense que c'est aussi à relier avec l'écriture. C'est-à-dire que c'est aussi un moment où elle conçoit qu'elle peut exister en dehors de ce rapport fusionnel avec sa mère. Cela dit, donc cette histoire, elle est... Il n'y a pas de version univoque unique de cette histoire, puisque encore une fois elle l'a racontée de très nombreuses fois et chaque fois de façon différente. Ce qui est très troublant dans les cahiers de la guerre, c'est que donc on a la toute première version, la toute première fois qu'elle raconte cette histoire, en tout cas dans ce qu'on a retrouvé d'elle, dans un texte donc qu'elle a écrit et qu'elle n'avait jamais publié de son vivant. Hein, on l'a publié bien après sa mort, 10 ans après sa mort. Dans cette version-là, c'est la version finalement la plus cruelle envers ce Léo, Monsieur Joe dans Un barrage contre le Pacifique, le Chinois dans les versions suivantes. Elle décrit vraiment sa relation comme une relation purement intéressée, en effet, fascination intéressée pour sa voiture. Poussée par la famille aussi, la mère, les frères souhaitent qui se faire acheter une Syrie, qui se faire acheter une voiture, et puis... Un photographe, etc. Voilà, il y a cette idée que de toute façon, comme c'est un indigène, c'est de toute façon indigne, mais enfin, on veut quand même bien prendre son argent. Voilà, c'est ça, on ne veut pas se compromettre trop avec lui, donc il n'est pas question que Duras, la jeune fille, couche avec lui. En tout cas, on l'incite quand même à aller assez loin dans la relation de séduction pour profiter, en effet, de son argent et de ses largesses. Donc c'est très malsain, évidemment, comme situation. Mais voilà, du coup, dans cette version qu'on trouve dans les Cahiers de la guerre, je pense que Duras est encore tout à fait imprégné de la vision familiale. On sent qu'il n'y a pas de prise de distance, pas tellement en tout cas, vis-à-vis du point de vue de la mère et des frères, et que donc il y a beaucoup de mépris vis-à-vis de cet homme-là, quelque chose de tout à fait manipulatoire. Et aussi, une chose très frappante, c'est la scène du premier baiser dans la fameuse Maurice Léon Bollée. Lorsque Léo l'embrasse, c'est presque une scène de viol quand on la lit. Littéralement. Elle crache. Elle crache, elle est absolument dégoûtée, elle pleure, elle veut que la voiture s'arrête, elle veut descendre alors qu'ils sont au milieu de nulle part sur une piste perdue. Enfin voilà, c'est vraiment une scène très violente. Et quand on pense à ce que c'est devenu progressivement, dans l'amant c'est une chose, et dans l'amant de la Chine du Nord avec une mythification absolue, non seulement du rapport amoureux mais du rapport érotique entre ces deux personnes, c'est quand même assez troublant. Oui. Elle se décrit comme une jeune fille qui était l'équivoque incarné. Oui. C'est vrai, elle en a conscience de ça. Je ne sais pas si elle en a conscience sur le moment, mais moi je fais le lien avec ce sentiment dont on parlait tout à l'heure qu'elle a d'être perpétuellement à côté, où elle n'est jamais vraiment, elle n'a pas de place à signer, voilà. Et donc elle a ce chapeau d'homme, ses souliers lamés, récupérés on sait trop où, elle est attifée de façon tout à fait abracadabrante, mais voilà, dans cet équivoque-là, elle trouve quelque chose, quoi. Elle trouve... Alors on va reprendre avec vous dans quelques minutes la biographie de Marguerite Duras, Sophie Bogart, mais tout de suite sur France Culture, c'est en compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et en particulier aujourd'hui en compagnie de la Revue des Deux Mondes avec sa directrice Valérie Toragnan. Bonjour. Bonjour. Vous consacrez votre dossier au lien entre sexe, pouvoir et société avec Simone de Beauvoir en couverture et vous vous demandez si le mouvement MeToo représente l'ultime étape de la libération de la femme par la libération de la parole. Mais d'abord sur Simone de Beauvoir, Valérie Toragnan, que peut-on lire dans la Revue des Deux Mondes ? En tout cas, elle pose une question, celle de la liberté réelle des femmes, et c'est cette question que nous avons voulu reposer. 70 ans après l'apparition du deuxième sexe, bible du féminisme, les femmes sont-elles libres ? Elles ont gagné des droits, conquis l'égalité, et Emmanuel Todd rappelle d'ailleurs dans ce numéro que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous allons assister au dépassement des femmes par les hommes sur le plan éducatif. Ces droits et cette égalité conquises sont nécessaires pour leur liberté, mais sont-ils suffisants ? En 1949, les femmes avaient obtenu le droit de vote depuis 4 ans et Simone de Beauvoir avait le sentiment de rédiger l'épilogue d'une époque révolue. « En gros, nous avons gagné la partie », écrivait-elle. « La femme libre est en train de naître ». Alors que son livre, bien au contraire, ne faisait que souligner la puissance des déterminismes dans le destin de la femme et la difficulté pour chacune de s'en extraire, la partie était tout sauf gagnée. Et alors le mouvement MeToo, justement, est-ce une étape ultime de la libération par la parole des femmes ? Il illustre en tout cas une réalité de la condition des femmes. L'homme est majoritairement en situation de pouvoir dans la sphère professionnelle. Comme l'écrivait Montesquieu dans « De l'esprit des lois », tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. afin d'éviter que chacun des pouvoirs n'abuse de ses prérogatives, dans toute démocratie libérale a été mis en place un système de contrôle et de contrepoids. Mais qu'en est-il de l'exercice quotidien du pouvoir au sein des relations humaines, demande la philosophe Michela Marziano. En situation de pouvoir, on en abuse, c'est ce que des hommes font, au détriment de celles et de ceux qui sont sous leur dépendance économique. Plus les femmes prendront le pouvoir, plus le comportement des deux sexes se ressemblera. C'est le pouvoir qui crée l'abus de pouvoir, pas le sexe. Alors vous avez tenu à souligner également que dans le débat suite à l'affaire Weinstein, certains ont évoqué l'exception française liée donc à l'héritage de la galanterie. Et oui, le rôle qu'ont joué les femmes de l'aristocratie française tenant salon au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle demeure une exception. Le commerce entre les sexes y était harmonieux, la conversation précieuse, les arts et les sciences étaient célébrés comme nulle part ailleurs. Mais même ces hommes de salon avaient parfois des comportements déplacés et Mademoiselle de Scudéry exhorte les galantes à n'accorder aucune indulgence pour leurs incivilités, comme le rapporte l'historien Jean-Paul Clément. Si les femmes savaient bien se servir de tous les privilèges de leur sexe, elles apprendraient aux hommes à être véritablement galants et elles n'endureraient pas qu'ils perdissent jamais devant elles le respect qu'ils leur doivent. En effet, elles ne leur souffriraient nullement sans familiarité incivile que la plupart des nouveaux galants veulent introduire dans le monde, car enfin, entre la cérémonie contrainte et l'incivilité, il y a un fort grand intervalle et si toutes les dames galantes entendaient bien le métier dont elles se mêlent, leurs galants seraient plus respectueux et plus complaisant et par conséquent plus agréable. Alors pour finir, que pensez-vous de la situation de 2018? Est-ce qu'on pense toujours de la même manière, Valérie Thoragnan? Non, je pense que cet héritage précieux n'a plus de sens, mais la possibilité d'une séduction a priori libre de toute suspicion a été au cœur du débat sur le harcèlement. Dans ce jeu, la partie est loin d'être symétrique. La passivité que soulignait Simone de Beauvoir est encore de nos jours trop souvent la règle, y compris au sein des nouvelles générations. Comme le remarque l'écrivain Belinda Cannon, l'asymétrie n'est pas dépourvue de bénéfices secondaires pour les femmes. Mais si nous voulons être cohérentes avec nous-mêmes, ne faudrait-il pas renoncer à considérer comme normal que les hommes fassent toujours le premier pas, souvent si coûteux sur le plan narcissique? La lucidité exige que nous comprenions nous-mêmes comment nous contribuons à l'inégalité. Voilà, et le débat continue donc dans la Revue des Deux Mondes, en librairie. Merci, à bientôt Valérie Thoragnan. On continue de parler de la vie de Marguerite Duras dans la compagnie des auteurs, ou du moins des premières années de cette vie qui sont très riches et très déterminantes. Nous l'avons laissé, Marguerite Duras, avant la chronique à Saïgon. La voilà qui part pour la métropole. Je suis née avec des bourses, j'étais boursière. J'étais en pension à Saïgon, ma mère ne pouvait même pas me mettre dans une famille. J'étais dans ces pensions, dans une pension d'État. Abominable d'ailleurs, souvenir affreux. Mais toujours avec des jeunes vietnamiennes. J'ai passé ma première partie de bac avec le vietnamien comme deuxième langue. Et quand vous avez quitté le Vietnam, qu'est-ce que vous espériez de la France? Rien. Du 7 ans, qu'est-ce qu'on espère? Vous ne vouliez pas devenir quelque chose dans la vie, de façon précise? Professeur de mathématiques. J'étais bonne en maths, alors ma mère m'avait dit que je serais prof de maths. Mon père était prof de maths. Et vos premiers contacts avec l'Europe? Le froid. C'est tout? J'avais 17 ans. C'est pas grand-chose de plus. C'est la misère aussi, parce que ça a continué. On était fauchés là-bas, on était fauchés ici. Je vous dis pas tout, c'est fou. Les aventures de la misère sont nombreuses. Et alors, une fois en France, qu'est-ce qui vous a fait penser quand même, c'est une question un peu classique, mais à écrire malgré tout? Vous n'écriviez pas déjà un petit peu? Ne preniez-vous pas de notes ou de ce semblant? Aussi, j'écrivais à 12 ans. Mais pas en direct, je peux dire, pas sur le Vietnam, mais sur la France que je ne connaissais pas. Ah bon? Oui, je me fais un poème sur l'hiver, alors que je n'avais jamais connu l'hiver. Avec beaucoup de neige? Bien sûr, tout était blanc dans mes poèmes. En entretien avec José Pivin de 1967. Alors racontez-nous, Sophie Bogart, comment Marguerite Duras a réussi à se sortir de cette histoire avec Léo pour aller finalement à Paris, où elle va faire ses études. Comment se fait cette transition ? De manière extrêmement brutale, sa mère la met sur un bateau et voilà. C'est aussi un évidemment un point de bascule biographique très très net et sans doute assez traumatisant, ce départ, surtout loin de sa mère. C'est évidemment ça. Ce sont peut-être aussi les injures du frère qui l'ont réveillé d'une certaine manière, qui lui ont donné envie encore une fois de partir. Non, c'est vraiment sa mère qui la pousse. Je pense pas qu'elle ait eu envie de partir, même si sans doute elle projetait des choses pas exclusivement négatives sur ce départ, mais c'est quand même un arrachement, c'est quand même l'initiative de sa mère. Là encore, elle fait toujours ce que sa mère désire. À ce moment-là, elle n'est pas du tout encore émancipée. Et les injures du frère, ce bain de violence dans lequel elle vit, vous savez que c'est comme pour tout le monde d'ailleurs, c'est la normalité pour elle. Donc, c'est pas encore, elle n'a pas ce désir de fuite à ce moment-là, je crois pas. Alors, elle parle aussi d'un film sur Casanova qui l'aurait consolé de son histoire avec Léo. Et puis, la voilà donc qui arrive à Paris. Elle va commencer à travailler en 1937 et puis elle épouse Robert Antelme en 1939. Alors, qui est Robert Antelme ? On le connaît par son livre L'espèce humaine, mais à cette époque-là, en 1939, qui est-il ? Eh bien, je ne sais pas s'il est encore très déterminé à l'époque, de même que Duras commence tout juste à l'être. C'est-à-dire que si, ce sont quand même des intellectuels, des gens qui, voilà, des étudiants. Hein, ils se sont rencontrés par des amis communs liés à la fac de droit où était Duras. Donc voilà, ce sont des intellectuels qui écrivent, qui réfléchissent, qui sont plutôt. Enfin, politiquement, pas très déterminé encore non plus. Hein. On peut pas dire que ce soit des gauchistes à ce moment-là. Et on sait d'ailleurs que Duras comme Antelme vont entrer dans la résistance assez tardivement. On y reviendra. Il y avait cette idée que, même à la fin de sa vie, vous allez me contredire si je me trompe, Robert Antelme a été l'homme le plus important, finalement. Oui, elle a toujours dit ça. C'est sans doute vrai, j'ai pas de raison d'en douter ou de la contester sur ce point. En tout cas, ça a été le seul homme qu'elle a épousé. Elle a eu un enfant de cet homme qui est mort à la naissance en 42, mais... Elle en parle aussi dans les carnets. Dans les cahiers de la guerre, absolument. Les cahiers de la guerre. Oui, oui, tout à fait. Donc, voilà, même si, on sait que assez vite leurs chemins se sont quand même séparés, c'est-à-dire que dès qu'ils se sont épousés, donc en 39, il a été mobilisé très très rapidement. Donc finalement leur temps de vie commune avant la déportation a été assez bref et assez rapidement ils ont mené des vies amoureuses séparées, en tout cas enfin voilà très libres de chacun de leur côté. Donc ils ne formaient pas réellement un couple. Marguerite était amoureuse du philosophe Dionys Mascolo. C'est une autre manière d'aimer qui est pour elle complémentaire. Oui, oui, et qui n'avait pas l'air de... Enfin, ça, je ne dis pas que ça se faisait sans souffrance de part et d'autre, mais en tout cas, c'était accepté et admis par Antelme, qui était extrêmement ami avec Dionys Mascolo. Hein. C'était d'abord de grands amis. Et lui-même, Antelme, avait... une compagne à ce moment-là. Mais c'est vrai que si Duras dit ça d'Antelme, enfin ce que vous disiez tout à l'heure, que ça a été le grand amour de sa vie, ou, c'est sans doute, enfin c'est difficile, on ne peut pas réécrire l'histoire, mais inséparable à mon avis de ce, là où vous allez en venir, c'est-à-dire de l'expérience donc de la déportation d'Antelme. On peut y arriver précisément. Oui. Oui, parce que... quand je disais tout à l'heure, ils étaient pas très déterminés l'un et l'autre. J'ai l'impression, là, c'est bizarre aussi de dire une telle chose, mais j'ai l'impression que c'est la guerre et cette expérience de la déportation vécue l'un pour l'une dans l'attente et pour l'autre dans l'horreur des camps qui les a constitués, qui les a fait qui a fait ce qu'ils ont été jusqu'à leur mort ensuite. Et donc, du coup, cette importance insurpassable que Duras attribue à Anthelme dans sa vie, c'est aussi lié au côté insurpassable, insurmontable de cette expérience de l'horreur de la guerre et des camps de concentration. Et pourtant, quand on lit La Douleur, on se rend compte que les sentiments de Marguerite Duras vis-à-vis de son mari en déportation sont très complexes. Et notamment, elle sait déjà, elle semble déjà savoir que quand il rentrera, si jamais il rentre, leur histoire n'est pas vouée à se poursuivre. Oui, oui, ils sont déjà, encore une fois, ils vivent déjà, ils ont chacun un amant, une maîtresse, je ne sais pas comment il faut le dire, un compagnon, une compagne, voilà, c'est déjà le cas au moment où Anthelme est arrêté. Après, on a le droit, je crois, de considérer que l'amour n'est pas forcément exclusif et voué à une seule personne, et je pense que l'amour que Duras a pour Anthelme, elle l'aura en effet toute sa vie, quand bien même elle souhaite vivre avec d'autres hommes, et elle fait un enfant avec Dionis Mascolo l'année qui suit, très peu de temps après le retour d'Anthelme, c'est incontestable, mais je pense que ça ne retire rien à l'intensité de leur relation. Alors sur la question de la collaboration et de la résistance, on a coutume de dire qu'ils sont passés de l'un à l'autre. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, Sophie Bogart, sur cette partie un petit peu difficile à appréhender de leur vie à tous les deux? Alors, je pense pas qu'on puisse dire qu'ils se soient passés de la collaboration à la résistance, c'est-à-dire que Duras n'a jamais collaboré. Alors, elle a travaillé dans des organes, je crois qu'elle distribuait le papier c'est pour ça, les elle journaux. C'est ça, partie de la commission d'attribution du papier pour les journaux et les livres, je crois, surtout pour les imprimer, ouais. En tout cas, à ce moment-là, qui donc, évidemment, était soumise à la censure, au bon vouloir du pouvoir allemand. Enfin, de l'État français, c'est sûr. Est-ce que c'est une collaboration? Bon, je suis pas historienne, je suis pas voilà, mais à mon avis, c'est quand même excessif de taxer ça de collaboration. En revanche, il y a eu résistance, mais c'est un petit peu l'histoire de François Mitterrand aussi. Bien sûr, c'est très parallèle finalement, parce que François Mitterrand, de la même manière, travaille pour Vichy d'abord, puis crée ce réseau de résistance dans lequel vont entrer les Anthelme, le couple Anthelme. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu similaire dans leur parcours. Je pense que, il me semble que Mitterrand a été plus loin du côté vichiste que Duras et Anthelme, qui était plutôt, alors il y a aussi, enfin qui était plutôt passif, je pense, ce qui peut conduire à la collaboration, on est d'accord, hein, mais voilà, à mon avis c'est plutôt un rapport de passivité, en tout cas c'est pas un rapport d'engagement actif ni idéologique, mais il y a aussi ce qui entache aussi cette idée, enfin cette image de Duras résistante, c'est aussi leur voisinage avec les Fernandez, Ramon Fernandez, hein, qui était donc lui, pour le coup, extrêmement, enfin, un collaborateur tout à fait avéré, et qui étaient donc les voisins du dessus de Duras et Anthelme, mais ils étaient très amis. Elle en parle dans L'Amant de Betty Fernandez, hein, l'épouse de Ramon Fernandez, et ils sont restés amis alors même que leurs chemins idéologiquement ont clairement divergé pour le coup. Mais voilà, Duras, c'est vrai que elle fonctionne quand même. Peut-être avant toute chose par affinité, et ce qui a décidé, ce qui a déterminé quand même son entrée active en résistance, c'est en effet la rencontre avec Mitterrand, alias Morland, et le lien affectif fort qui les unissait. Alors on l'écoute justement parler de cette période dite de la rue Saint-Benoît, il faut tendre un petit peu l'oreille car l'archive n'est pas très bonne. Mais quel était alors le sens de votre engagement dans la résistance? Je ne suis pas engagée. Je suis arrivé normalement. Le premier acte de résistance. Il était énorme. On n'était pas responsable. C'est Michel Mitterrand qui est arrivé ici. Un jour. Et il fumait des cigarettes anglaises. Et à un moment donné, je lui ai dit, attention, cigarette. On était embarqués comme ça. Le soir même, il dormait chez Robert. Il n'a pas quitté cette résidence à Paris. On n'a pas voulu. Je suis très sur ces points-là, de détails. Je suis très rigoureuse. On n'a pas été des héros. La résistance est venue à nous. parce qu'on était d'honnêtes gens. Je pense que François a eu cette impression que Robert, Marie-Louise, Anthelme et moi, Madame Anthelme, on était des gens à qui on pouvait se confier. Une archive de 1993, trois ans avant la mort de Duras, mais on l'entend déjà fatiguée. Et elle dit « On n'a pas été des héros, la résistance est venue à nous ». Oui, c'est ça, c'est beaucoup mieux dit que ce que je disais tout à l'heure, mais c'était le sens de mes propos, en effet. Elle a aussi, dans les cahiers de la guerre, des mots assez durs sur le général de Gaulle. Et encore, c'est relativement atténué par rapport au. Dans les cahiers de la guerre, vous avez raison, les mots sont très durs et c'est atténué par rapport à la douleur, à la version publiée. Je dis ça parce que ça fait partie des points les plus importants sur lesquels elle a retravaillé pour la publication de la douleur en 85 et ça fait partie des choses qu'elle a gommées. Effectivement. Mais là, c'est vraiment la rhétorique communiste, c'est la rhétorique du PC de 45. Qui dit que en gros De Gaulle et Hitler c'est à peu près le même combat, que Hitler croit en Dieu, qu'Hitler croit en la race aryenne et que De Gaulle croit en Dieu et que c'est la seule différence entre eux. Enfin, elle a des raccourcis quand même un peu choquants a posteriori et que du coup elle retire de la version publiée. Mais en effet, elle est très très hostile à De Gaulle et très très anticléricale aussi. Et puis il y a évidemment la douleur pour elle de penser que De Gaulle n'a pas suffisamment parlé des prisonniers de guerre dont Robert Anthelme faisait partie. Alors la vie après la Seconde Guerre mondiale, on va passer très vite dessus, on y reviendra évidemment au cours de cette semaine, mais c'est une vie, Sophie Bogart, qui se confond réellement avec l'écriture et puis aussi évidemment des phases d'amour avec différentes personnes, mais est-ce que ce n'est pas surtout tout de même l'écriture ? Si, sans doute, de plus en plus, mais c'est vrai que là, tout ce qu'on vient de raconter, toute cette période jusqu'aux années 60, en définitive, on peut dire que Duras a eu une vie assez aventureuse, enfin, pour une femme de son temps, d'une grande liberté. Elle a traversé, comme tous les gens de sa génération, des périodes de l'histoire très, très violentes. Elle a recherché l'aventure, vous croyez ? Non, elle le dit, hein, on n'était pas des héros, c'est pas son genre, mais elle a un côté aventurière, c'est-à-dire quand même, elle n'a pas froid aux yeux, ne serait-ce que dans la sphère intime. Enfin, voilà, c'est pas forcément une Mata Hari, mais quand même, voilà, c'est une femme qui tient à sa liberté, qui affirme sa liberté. Pas du tout à la façon de Simone de Beauvoir, pour laquelle elle avait pas beaucoup d'amitié d'ailleurs, puisqu'il en était question tout à l'heure de Beauvoir. C'est pas du tout le même registre. C'est pas un registre revendicatif politique, mais voilà, à sa façon, c'est quand même quelqu'un qui tient à vivre dans la liberté. Et si elle a continué à vivre dans la liberté, c'est incontestable. Malgré tout, sa vie personnelle, sans doute, c'est un petit peu appauvrie, et c'est aussi à partir de la fin des années 60, et c'est aussi lié, enfin tout ça, bon, voilà, on ne sait jamais quelle est l'origine de quoi dans une vie, mais c'est aussi lié à son alcoolisme, très clairement. Enfin, les années 70, c'est des années très dures pour elle, où elle s'isole énormément et où elle ne sort de cet isolement que grâce au cinéma. D'ailleurs, elle le dit qu'une des joies pour elle du cinéma, c'est la dimension collective, c'est de la faire sortir de la solitude de l'écriture. Mais voilà, c'est des années pendant lesquelles elle n'écrit plus beaucoup, en tout cas pour faire des livres, et où voilà, elle est très seule. Et donc de plus en plus, en effet, la vie, l'écriture et la vie vont s'imbriquer jusqu'à se confondre. Et puis il y a quand même, alors parmi les amours, il y a évidemment Dionis Mascolo, une histoire qui s'achève dans les années 50. Ensuite, il y a l'écrivain Gérard Jarlot, et puis il y a surtout Yann Andrea, qui ne s'appelle donc pas Yann Andrea, c'est un nom qu'elle a choisi pour lui, et c'est un jeune homme, un très jeune homme, qui vient la voir et avec qui elle va terminer sa vie. Oui, c'est une histoire extrêmement étrange. Donc il y a, je crois, 20, Non, beaucoup plus. Oh, 37 ans, voilà, c'est je ça, crois. 37 ans d'écart entre eux. Enfin, effectivement, il a 20 ans et elle en a 66. Oui, voilà, une soixantaine d'années quand il frappe à sa porte après lui avoir écrit quelques lettres à la fin des années 70. Et donc, en 80, il entre comme ça dans sa vie. Et c'est vrai qu'il arrive un jour et il repart plus jamais. Alors, après, il repart épisodiquement parce qu'il se sépare, il se dispute beaucoup. Et donc, il y a des micro-ruptures comme ça assez nombreuses. Il claque la porte. Mais ça dure jamais très très longtemps et donc ils se séparent plus jusqu'à la fin de la vie de Duras. Voilà, c'est ça, c'est leur vie commune qui dure 16 ans. Oui, c'est une histoire très étrange. C'est sans doute quelqu'un, Yann Andrea aussi, qui avait cette aspiration à lui se dissoudre dans l'écriture, pas forcément la sienne. Enfin, il a écrit, hein, il a écrit des beaux livres d'ailleurs, mais MD notamment, oui, sur, aux éditions de Minuit en 83 sur Marguerite Duras, oui. Et puis plus récemment encore d'autres livres qui ont fait date, qui ont été importants, je pense, pour l'image qu'on a aujourd'hui de Marguerite Duras. Oui, c'est ça. C'est toujours des livres, enfin pas toujours, pas les tout derniers, mais c'est des livres principalement sur Duras et en tout cas c'est des livres évidemment éminemment durassien dans la manière. Et c'est vrai que c'est quand même très troublant que ce jeune homme qui a fini par ne plus être si jeune que ça a été enterré sous le nom de Yann Andrea, donc sous ce nom qu'elle avait inventé pour lui. Merci beaucoup Sophie Bogarde pour ce retour sur la vie de Marguerite Duras. Je rappelle qu'en 2006, vous avez réalisé chez POL une édition des Cahiers de la guerre dont nous avons beaucoup parlé aujourd'hui. Et puis plus récemment, en 2016, vous avez réuni des entretiens réalisés entre 1962 et 1991 sous le titre Marguerite Duras, le dernier des métiers. C'est aux éditions du Seuil. Demain, suite de notre série consacrée à Duras, nous recevrons Gilles Philippe qui a préfacé ses œuvres complètes dans la Pléiade. Et puis, toute autre chose, c'est ce soir que débute la diffusion et pendant 3 semaines de l'adaptation de Don Quichotte dans le feuilleton de France Culture. Rendez-vous donc à 20h30. Mais tout de suite, on retrouve la poésie avec Jacques Bonnafé. Bonjour, la compagnie des auteurs. Bonjour, de la poésie? Oui, de la poésie peut-être bien, même si après tout j'y comprends trop rien, mais pour le reste, au fond, hein, tout le monde, qui comprend quoi? Comment, pourquoi? Un peu d'air, une musique, des paroles, hein, des poètes, voilà ce qu'il nous faut. Au moins les entendre, les repérer, les bons, hein, couper une petite tranche de aujourd'hui on a du Dubillard, là ça vient de sortir chez Gallimard, c'est une grande maison, pas ressortir, hein, parce que Je dirais que je suis tombé, c'est le titre du livre, Je dirais que je suis tombé était déjà dans la poche. Le livre s'ouvre sans introduction, sans préface, c'est rare, c'est très rare chez Gallimard, poche. Alors prenons les premières phrases comme une petite préface, page 11, au fond de la forêt. Ça commence par des feuilles qui saignent. Interrogeons-nous sur le double sens éventuel de ce vers. Ça commence par des feuilles qui saignent. Puis les cailloux deviennent des savants. Ça s'adresse à nous tous. Comment on se transforme rien qu'à la lecture de ces premières phrases. Ça commence par des feuilles qui saignent. Puis les cailloux deviennent des savants. Toute la nuit, j'ai rêvé d'un morceau de cuivre qui ne brillait même pas plus que moi. Et comme je m'étais perdu, je me suis mis à déclamer. Ah, la poésie ouvre la possibilité d'une voix. On se rappelle que l'auteur est celui aussi des dialogues, aussi un auteur de théâtre. Je me suis mis à déclamer. Enfin, le soir, j'ai vu passer très loin, au-dessus de la forêt, un aéroplane désert. Un de ces vieux aéroplanes très lents qui volaient encore avec la lenteur de leur bois. Et qui portaient encore toutes leurs pommes. Et qui volait très haut, avec toutes leurs pommes. Donc, Dubillard nous dit qu'il faut le suivre. Là, qu'est-ce que c'est que cet aéroplane, la lenteur de son bois? Est-ce que ce n'est pas un pommier volant? Oui, bah peut-être, qui portait encore toutes leurs pommes, qui volait. Il faut se laisser aller, laissez-vous. Sous terre, c'est le nom du deuxième poème. Sous terre, ce qui fait du bruit, c'est une fleur qui ne veut pas sortir. Pour sortir, il faut faire la queue, car ça se perd par un unique trou de souris. Il y en a une qui ne veut pas. Et c'est pour elle que je monte à cheval avec ma distraction pour lance. Si elle ne veut pas sortir, moi j'entrerai. Les dragons sont moins terribles que les yeux de mon cheval, bien qu'ils fassent plus de bruit pour couvrir le bruit que j'ai dit. Bientôt, le monde apprendra ce qu'un homme et une fleur ont à voir ensemble. Voilà, ça fait une fin de préface magnifique. Quelques pages plus loin, rouge. Oui, ça n'est pas bleu chez Dubiard, c'est rouge. Le poème, la poésie n'est pas un ange bleu. Rouge d'avoir des mots à dire à ceux qu'elle aime et qui tous avaient les oreilles rouges d'une honte semblable à elle. Désireuse d'un sommeil qui troublerait le sommeil de ceux qu'endormirent ses paroles perdues. Elle se recourbe au milieu d'un soleil par qui rien d'autre qu'elle ne s'éclaire. Et se mariant tout entière à son dos malheureux, se penche et surgit dans ma chair sous la forme de cette entorse étrange et rouge, comme ce dont je ne parviens pas à me souvenir. Je dirais que je suis tombé. Merci Jacques Bonafé, vous consacrez cette semaine vos lectures au poète Roland Dubillard.